franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un naufrage à quelques encablures des côtes, celui du paquebot de croisière Costa Concordia il y a 5 ans, le vendredi 16 janvier 2012, tout près de l'île italienne de Giglio. Quand on parle d'un naufrage, on a tous en tête bien sûr les images du film Titanic de James Cameron. On imagine un bateau immense, constitué de salles de réception, de couloirs sans fin, de ponts baignés de lumière et de milliers de passagers passant de la joie d'une traversée à la terreur d'un accident qui va les envoyer par le fond. À l'époque du Titanic, en 1912, il n'y avait pas de radar, pas d'image satellite. Le commandant n'a pas vu l'iceberg devant lui, le bateau était trop loin des côtes, pas un navire pour venir le secourir, près de 1500 personnes sont mortes, dont le commandant. Un siècle plus tard, tout a changé. À l'aide des outils modernes, les paquebots de croisière naviguent sans risque, ou presque. En tout cas, les accidents sont rarissimes. Et pourtant, le vendredi 13 janvier 2012, le Costa Concordia, croisant trop près des côtes, heurte des rochers. Le lendemain, dans les journaux du monde entier, on découvre les images incroyables de ce paquebot couché sur le flanc. Sur les images aériennes, on a même l'impression d'avoir pied, tant il semble proche du rivage. Alors, que s'est-il passé? S'agit-il d'une erreur de navigation ou d'une avarie? Quoi qu'il en soit, cet accident était le plus évitable qui soit, d'où le scandale. Le temps de cette émission, à l'aide des témoignages donnés par les premiers survivants, des enregistrements de la boîte noire, des conversations avec les gardes-côtes, ainsi que des sons de films amateurs postés quelques jours plus tard sur Internet, nous allons retourner à bord du Concordia pour essayer de comprendre le fil des événements. En seconde partie, nous recevrons Anne Decret, victime, elle aussi, de ce naufrage. Elle est la présidente de l'association collectif des naufragés français du Concordia. Avec elle, nous reviendrons sur les jours d'après, les traumatismes intimes et les procédures judiciaires en cours. Elle nous attend en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Antoine Gomez. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Septembre 2013, île de Giglio, en face de la Toscane. Au petit matin, sous le soleil levant, le monstre d'acier de 114 000 tonnes est de nouveau debout, franc et droit. Il s'appelait Concordia. Il était le plus beau et le plus grand paquebot italien jamais construit. 290 mètres de long, 38 mètres de large, 17 ponts dont 13 à disposition de 3216 passagers et 1023 membres d'équipage. 1500 cabines en tout, 5 restaurants, 12 bars, un vaste théâtre, un casino, des piscines, des jacuzzi. Livré en 2006, le Costa Concordia avait été béni par un cardinal, sabré au champagne comme il se doit et salué par un top modèle. Depuis, il accueillait chaque année des milliers de voyageurs pour une croisière sur la Méditerranée. À bord, les passagers partageaient leur temps entre les escapades dans les villes escales et les activités de la compagnie. Sur la route de cette croisière, entre Civitavecchia et Savone, il y a l'île de Giglio. Le Concordia ne s'y arrêtait pas, non. Il passait seulement au milieu du chenal, à quelques encablures des récifs. Jusqu'à cette nuit du 13 janvier 2012, où le Concordia se couche sur le flanc, déchiré par des rochers oubliés. Un mois plus tard, sous la lumière blanche et bleue des projecteurs, à l'aide de pieux d'acier, de grues, de martinets hydrauliques et de 48 chaînes de 26 tonnes chacune, le paquebot se redresse et sort de l'eau. À l'intérieur, au gré du basculement, peu à peu, l'eau s'échappe des travées et des cabines. La vaisselle, le mobilier et les valises abandonnées glissent de nouveau. Sur la côte, toute la nuit, les habitants du village l'observent à distance. De temps en temps, poussés par le vent, ils entendent les craquements du navire échoué. Mais à l'inverse de la nuit du naufrage, il n'y a ni cri ni panique. Venus de 22 pays, des ingénieurs, techniciens, experts se rendent depuis des mois au chevet de ce paquebot blessé, défiguré par une cicatrice de presque 100 mètres de longueur. Ensemble, ils se sont promis une chose, faire flotter de nouveau le Concordia et l'amener à sa dernière demeure. le 17 décembre 2013, c'est chose faite. Les deux flancs du bateau sont hors de l'eau. À l'intérieur de ce sarcophage d'acier, il reste les corps des deux derniers disparus. Pour leur famille, la veille a basculé le 14 janvier au matin en allumant la radio et la télé. À la une ce soir, ce naufrage d'un navire Costa Croisière au large des côtes italiennes, 4300 passagers et membres d'équipage. Un bilan encore incertain, deux Français auraient perdu la vie, plusieurs dizaines de passagers sont toujours portés disparus. Nous recherchons jusqu'à ce que nous ayons la certitude qu'il n'y ait plus de possibilité de trouver des survivants. On n'a pas encore complètement terminé de parcourir les cabines, ensuite on fera le bilan. Bonjour à tous, naufrage au large de la Toscane, un bateau de croisière s'échoue avec 4000 passagers à bord. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, le cauchemar pour quelques 4000 passagers d'un navire de croisière italien. En pleine nuit, leur bateau s'est échoué. Plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues ce soir. Parmi les passagers du Costa Concordia, il y a 460 Français, dont Marie Dolores Ribas et son mari Antoine. Ils montent à bord du Concordia 5 jours plus tôt, le 8 janvier. La passerelle franchie, ils découvrent une véritable ville flottante, flamboyante, illuminée. Oui, tout est somptueux, vertigineux. Le personnel est souriant, prévenant, la décoration est féerique. Dans le hall principal, malgré la hauteur et l'accumulation des niveaux, la lumière envahit les lieux et le ciel bleu est accessible. Dans la cabine, même constat. La chambre est grande, le matelas est confortable. Sur les lits, le couple découvre des cartes magnétiques, dont une rouge où ils peuvent lire « carte d'exercice de secours ». Mais il n'y a aucune date, aucune heure, pour l'instant, enfin, qu'importe. Dans leur esprit, ils ne risquent rien. À bord, les nouveaux arrivants découvrent les lieux et enregistrent les premiers souvenirs numériques du voyage. Les plus jeunes, comme Mylène et Michael, un couple de la région parisienne de 23 et 25 ans, en vacances à bord grâce aux parents de Mylène, prennent des photos avec leur téléphone et publient au plus vite ces premiers moments sur leur page Facebook. On invite ainsi les cartes postales, faisant passer par pertes et profits leur poésie, mais enfin, les proches peuvent suivre en direct les vacances des tourtereaux. D'autres préfèrent le caméscope et l'appareil photo. C'est le cas de Bruno et Anna. Chaque matin, quand le bateau accoste, ils sortent sur le pont filmer l'arrivée. Le 9 janvier, ils découvrent Barcelone. Le 10, ils se baladent sur l'île de Palma de Mallorca. Le 11, ils se réveillent en Sardaigne. Le 12, ils saluent Palerme. Jeudi 12 janvier 2012, 7h30-8h, arrivé en Sicile à Palerme. Le vendredi 13 janvier, c'est près de Rome qu'il s'arrête jusqu'en fin de journée. Et à 19h, le paquebot ferme ses portes et reprend la mer. À l'intérieur, comme chaque soir, c'est l'effervescence. Certains profitent de l'apéritif sur une banquette du hall principal, pendant que d'autres assistent au spectacle de magie ou de danse. Vers 21h, chacun cherche une table dans l'un des nombreux restaurants du paquebot. Au Milano, parmi les hôtes du soir, on reconnaît le commandant du bateau, Francesco Schettino. Grand, bronzé, chevelure gominée, il aime bien se pavaner dans son costume blanc de commandant. À 52 ans, il a passé plus de la moitié de sa vie sur la mer. Fils de marin, marié à une fille d'armateur, il a obtenu le titre de commandant du Concordia dès sa mise à l'eau. Est-il soucieux ou inquiet ce soir-là? Selon les souvenirs des passagers, non, pas vraiment. Il paraît même excité et heureux. Pourquoi? Ah, ça, il le dévoile vers 21h20 à certains convives et clients du restaurant. Ne tardez pas à table et rejoignez le pont promenade du bateau si vous souhaitez assister à l'inchino. L'inchino, che cosa è? En français, c'est la révérence. Une manœuvre qui consiste à longer au plus près les côtes du Nil. Est-ce interdit? Oui, bon, mais c'est une tradition qui perdure dans le monde des croisières. Et puis, ça flatte le commandant qui fait coucou, genre regardez comme il est beau mon bateau. Et puis ça fait plaisir aux passagers, tout comme aux habitants des îles. À 21h39, le commandant remonte dans la salle de commande. Il prend les choses en main, l'île de Giglio est à quelques kilomètres. La vitesse est de 15 nœuds et demi. Le commandant donne ses indications, mais quelque chose cloche. Les données semblent faussées. Apparemment, le navire ne suit pas le bon cap. 300 tribord, 310, 325, 335, 340, 340. Les ordres se font de plus en plus pressants. Trop tard. À 21h45 et 7 secondes, sur les communications de la boîte noire, une alarme retentit. L'arrière-bâbord du Costa Concordia vient de percuter des rochers. Et d'un coup, la vitesse chute brutalement. Fermez les portes étanches à l'arrière, demande le commandant. Mais le mal est fait, l'eau est entrée, le paquebot va sombrer. À bord, la secousse est ressentie partout. Comme un coup de grisou pour certains, simple mouvement du bateau pour d'autres. Dans les restaurants, en un simple regard, l'inquiétude se transmet de table en table. Nous, on était au restaurant et on a entendu un bruit de moteur qui s'est stoppé, un choc. Les tables se sont légèrement renversées et puis elles se sont rétablies et nous, on est monté dans nos cabines. Vous voyez, moi, j'ai pris un sac de survie. Les serveurs ont le visage fermé, inquiets. Au début, ils refusent de laisser partir la foule. Puis, face à la cohue, ils libèrent les sorties. 10 minutes après le choc, toutes les lumières du bateau s'éteignent d'un coup, net. Et le noir envahit les couloirs et les cabines. Premier cri de panique, premier hurlement de stress. Après quelques minutes, les lumières de secours prennent le relais. Mais la peur se transmet des enfants aux parents. Tous ont le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Mais pour l'instant, aucun message, aucune alerte du commandant. Dans toutes les langues, on interpelle alors les membres de l'équipage, et à chaque fois, c'est la même réponse. Je ne sais pas, rien de grave sans doute. Allez, retournez dans vos cabines. Bruno et Anna obtempèrent. Dans le couloir, ils remarquent que tout le monde attend, figé devant sa porte, observant les va-et-vient du personnel et des voisins. Enfin, un premier message radio est diffusé par l'équipage, et apparemment, rien de grave. Je vous parle au nom de notre commandant. Nous avons actuellement un problème électrique sur les générateurs du navire, mais la situation est sous contrôle. Les techniciens travaillent actuellement pour résoudre ce problème. Sur la côte aussi, on a eu vent des ennuis du Concordia. À 22h08, le capitainerie de Livourne entre en contact avec le commandant du navire. Que se passe-t-il ? Malgré la situation de plus en plus critique, le commandant préfère jouer la montre et minimise l'accident. Lui aussi parle d'une simple avarie électrique. Oui, mais le bateau penche. De plus en plus, même au sein du personnel, c'est l'incompréhension, comme le raconte ce steward. On nous a demandé de faire des annonces qui étaient pour dire que c'était un problème électrique et que nos techniciens étaient en train de le résoudre, de ne pas paniquer. Ces informations nous viennent de la direction du navire. Je ne vous cache pas que à un moment, je me suis dit en moi-même, j'ai dit à mes collègues, ça sent pas bon. Mais je pouvais pas dire au micro, en fait, on ne peut pas prendre des initiatives sur l'évacuation sans l'ordre de notre hiérarchie. Les minutes passent, le bateau s'affaisse. À aucun moment au cours du séjour, il n'y a eu d'exercice d'évacuation. La plupart des passagers ne connaissent même pas les mesures à prendre, les mouvements effectués ou les lieux à rejoindre plus vite en cas d'urgence. Alors, chacun prend les devants. Antoine, le compagnon de Marie-Dolores, interpelle un serveur. Où se trouvent les gilets ? Au pont 4, à côté des chaloupes. Allez-y vite, ne redescendez pas, lui répond ce membre d'équipage. Le couple s'exécute, direction donc, le pont 4. Devant eux, ils sont déjà des centaines rassemblés, gilets de sauvetage enfilés. En fond de cale, l'eau poursuit son chemin. Dans les escaliers, on entend la vaisselle qui se brise sur le sol. Il n'y aura pas le choc, Francesco Schettino se résout à donner l'ordre d'évacuation. À 22h54, enfin, une alarme retentit, mais la panique s'installe. 4229 vies cherchent une sortie. Marie-Dolores et Antoine intègrent assez vite un canot. Les deux jeunes amoureux, Mylène et Michael, eux, attendent leur tour. À 23h15, Mylène envoie à ses parents un texto pour les rassurer. Il y a le bateau qui est penché, on a des gilets de sauvetage. C'est juste pour vous prévenir, on doit partir dans des petits bateaux. C'est la merde, car tout le monde pousse. On vous informe dès qu'on a des nouvelles. Devant les canots, le personnel aux gilets de sauvetage jaunes tente de diriger la foule et les départs, mais les gens crient, les gens se bousculent. Nous, on avait deux enfants, donc, et les Italiens, mon fils disait « Bambini, bambini », il y a une dame qui l'a poussé, qui a dit « Pasta, bambini ». Non, c'était pas du tout le cas. Hein. Or, les femmes et les enfants, rien ne comptait. C'était vraiment chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. C'était fou. De plus, tous les canaux ne peuvent être utilisés. L'ordre d'évacuation a été donné trop tard. Alors, plus les minutes s'écoulent et plus il est difficile de les faire descendre sur l'eau. Les mécanismes se bloquent, les chaloupes frottent les parois. Il faut faire vite. Alors, certains brisent les amarres à l'aide d'une hache. Quand on a voulu monter sur la première chaloupe qui était devant nous, on n'a pas pu. On a vu que derrière, à l'autre chaloupe, il y avait moins de monde devant. On y est allé. Là, tout le monde se bousculait, bien sûr. Les jeunes du bateau essayaient d'imiter, mais les gens n'obéissaient pas. Et ça criait, ça pleurait, évidemment. Plus les gens pleuraient, plus les enfants pleuraient, plus il y avait un Français qui criait arrêtez, stop, parce que les gens voulaient continuer quand même à monter, mais on sentait bien. Alors après, le moment critique, ça a été quand ils ont voulu défaire les amarres, parce que le bateau étant déjà incliné, c'est à coup de hache qu'ils ont, on s'est dit, ça y est, on va tomber d'un seul coup. Moi, je comprenais mon mari, on s'est rien dit, sauf à un moment de temps, on a dit, peut-être, j'espère qu'on finit pas ici, c'est tout ce qu'on s'est dit. Et quand, tout d'un coup, on est descendu, quand on a touché l'eau, c'était ouf, là. Marie-Dolorès et Antoine, eux, n'ont rien pu faire. Bloqués au niveau du pont 3, ils n'ont pas réussi à briser les cordages sans risque. Alors avec d'autres, ils sortent de la chaloupe et cherchent une autre sortie. Par chance, ils aperçoivent le toit d'un canot collé à la coque, mais déjà sur l'eau. Ils ne peuvent atteindre l'entrée, alors ils décident de sauter sur le toit. En dessous, on tente de s'éloigner du paquebot, mais le bateau reste sur place. Une corde résiste encore. Après avoir hésité à se jeter à l'eau, Antoine, à l'aide d'un autre passager, arrive à couper les derniers liens. Marie-Dolorès et lui sont sauvés. Peu à peu, ils s'éloignent des cris et des bruissements du bateau qui chavire. À bord, Anna et Bruno, eux, sont toujours bloqués au niveau du pont 4. Suite du problème technique Costa, donc là, on n'a pas réussi à embarquer dans les bateaux de sauvetage. À chaque fois, on arrivait, ils étaient pleins. Et là, apparemment, maintenant, ils sont tous pleins. Donc, on est sur le côté extérieur qui est penché en hauteur du navire. Et on ne peut pas prendre le bateau. Voilà. Devant eux, les gens se retiennent, bras contre bras, pour éviter de glisser ou de chuter. Plus les minutes passent, plus il est difficile de marcher sur le pont. Certains décident de monter plus haut. Anna et Bruno préfèrent rejoindre tribord, du côté où le bateau plonge dans l'eau. Elle est à leurs pieds, froide, certes, mais le rivage semble accessible. Alors comme d'autres, ils décident de se jeter à la mer, comme ils le racontent dans ce reportage produit par Chine France, intitulé « Les naufragés du Concordia ». Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais là, quoi ? Ils vont venir nous chercher, ils vont pas venir. Et lui, c'est là qu'il me dit, mais qu'est-ce que tu attends ? Vas-y, saute ! Je l'ai poussé avec mes bras et je nageais plus qu'avec mes jambes. Et du coup, après quand on est arrivé, je lui disais d'aller vite parce qu'on entendait tous les câbles du bateau sauter. Là, moi, je me suis retrouvé à genoux sur la côte, sorti de l'eau. Mais j'étais incapable de me relever parce que j'étais à bout de souffle. J'étais totalement épuisé par ce nage. À bâbord, le Concordia s'élève toujours plus haut. Vertige, mortel toboggan. Ceux qui n'ont pas pu rejoindre la rive à la nage tentent de trouver un refuge sur la coque. Certes, ils voient des bateaux au loin, mais seront-ils sauvés à temps ? Combien survivront à ce naufrage ? Il y a des bateaux un peu partout. C'est la cata, c'est chacun ses mères. C'est sérieux, c'est Titanic avec les meilleurs vins, mais là, il y a un gros bateau là-bas. Là, on voit pas parce qu'ils ont mis un gros truc, là. Mais il y a un gros bateau, il y a du monde pour nous sauver, mais alors on ne sait pas comment ça se passe. Le bateau, il bouge plus depuis quelques temps. Il pleut à Giglio, vieille commune ennuyée de la côte toscane. Triple, triple A idiot, il nous faut oublier comme tes points Strauss-Kahn. Voilà ce que titre à la capitale. Les journaux se vendent, dis-là, d'une écriture accidentée comme les routes paysages où le temps se dilate, où le temps se dilate. Il pleut à Giglio, vendredi 13, à bord du Côte Concorde, l'orgueilleux capitaine tarde à lancer les feux de détresse. Allons, c'est les feux, si près de la lagune, à tanguer le navire, l'homme amusé depuis la dune, voit le ferry mourir, si près de la lagune, à tanguer le navire. L'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir. Du ciel tombent des cordes, faut-il y grimper ou s'y pendre? Sur le pont du Côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes. Du ciel tombent des cordes, faut-il y grimper? Sur le pont du Côte Concorde, 5 étoiles dans la nuit sont mortes. De l'île de Giglio, les premiers survivants scandent les noms de ceux dont ils ont perdu la trace. En arrivant sur la terre ferme, ils ont jeté leur gilet de sauvetage comme pour se prouver qu'ils ne risquaient plus rien, et c'est vrai, eux sont sauvés. Mais là-bas, à quelques centaines de mètres, sous les projecteurs des bateaux de secours et des hélicoptères, des centaines de passagers sont encore pris au piège. Après le choc contre les rochers, le commandant aurait dû demander des secours et lancer les opérations d'évacuation plus vite. Non, il a préféré attendre et laisser le bateau s'échouer. Pire, quand les gardes-côtes tentent de le joindre pour connaître la situation, le commandant n'est plus à bord. Où êtes-vous, commandant? Dans une chaloupe de secours? Avec tous vos officiers? Oui, moi et le commandant en second. Excusez-moi, vous dites « vous et votre second ». Il y a un instant, vous m'avez dit « tous vos officiers ». Qui va diriger l'évacuation? En ce moment... Retournez à bord, ou alors envoyez quelqu'un pour diriger. Je suis en train de diriger en ce moment. Je vous donne un ordre, capitaine. Vous devez envoyer quelqu'un à bord. On y va. Vous m'avez compris, bordel. Vous retournez à bord pour diriger, c'est clair. Une centaine de personnes encore sur le bateau et vous abandonnez le navire? Je n'ai pas abandonné le navire. Simplement, il a commencé à chavirer et j'ai été projeté dans l'eau avec mes officiers. On verra ça plus tard, ok? À 1h45, soit 4 heures après le choc, de nouveau, Gregorio de Falco, le chef de la gare côtière de Livourne, demande au commandant de remonter à bord pour évaluer le nombre de blessés, gérer le secours, signaler les cas prioritaires à évacuer. Une nouvelle fois, Francesco Schettino refuse d'exécuter les ordres. Écoutez, commandant, il y a des gens qui descendent par l'échelle de proue. Cette échelle, vous devez la parcourir en sens inverse, monter sur le navire et me dire combien il y a de gens. C'est clair ? Vous devez me dire combien il y a d'enfants, de femmes et de personnes ayant besoin d'assistance. C'est clair? Écoutez, Schettino, vous avez peut-être réussi à vous sauver de la mer, mais là, vraiment, ça va mal se passer. Je vais vous causer plein d'emmerdes. Allez à bord, bordel de merde! Commandant, je vous en prie. Non, pas de je vous en prie. Maintenant, vous y allez. Vous remontez à bord. Vous m'assurez que vous êtes en train de remonter à bord. Oui, je suis en train déjà d'y aller, là, j'y suis. Qu'est-ce que vous faites, commandant? Je suis là, je coordonne les secours. Qu'est-ce qui dirige maintenant? Vous remontez à bord pour coordonner les secours. Vous refusez? Non, je refuse pas. Vous refusez de remonter à bord? Dites-moi pour quel motif. Je ne peux pas y aller. Vous allez à bord, c'est un ordre. Vous ne devez penser qu'à ça. Vous avez déclaré l'abandon du navire, maintenant c'est moi qui commande. Vous remontez à bord, c'est clair ? Il y a déjà des cadavres, Schettino. Il y en a combien ? Je ne sais pas, hein, c'est sûr. Je l'ai entendu. C'est à vous de me dire combien, bon sang. Les derniers passagers sont à bâbord sur la coque immergée. Dans le vent et le froid, ils attendent, serrés les uns contre les autres, qu'on vienne les secourir. Les heures passent, chacun tend son tour. Parmi eux, Marie-Claude. On s'est débrouillé tout seul, quoi. Le bateau s'est couché, on a essayé de monter. Et on est resté de minuit à 6h du matin, en haut, au froid. Bon, les hélicoptères qui tournaient, qui prenaient des personnes au fur et à mesure. Et nous, après, on était à un bout du bateau, on est allé de l'autre côté du bateau, en se tenant, en glissant, en tombant. Et après, on a pris une échelle, donc on est descendu sur une échelle, et ils nous ont pris sur un bateau. Je suis la dernière à avoir quitté le navire. Je me suis vu mourir. Quand le bateau a coulé, quand on était comme ça, j'ai dit c'est bon, hein, on va couler. Hein. Le commandant est parti, il nous a largués. Sur l'île de Giglio, les survivants trouvent refuge soit à l'intérieur de l'église, dont on a ouvert les portes dès l'annonce de la catastrophe, soit directement chez les habitants qui les recueillent. Au port, l'organisation est efficace. On note les noms, on soigne les blessés, on rassure les plus fragiles. Au petit matin, à la lumière du jour, les habitants et les survivants remarquent les premiers sacs en plastique. Ils redoutaient, mais c'est désormais certain, tous n'ont pas survécu. L'île est sous le choc. Le monde, les quelques heures plus tard. Que s'est-il passé pour qu'un paquebot chavire en Méditerranée ? Le 15, les Français, dont Marie Dolores, Anna, Antoine et Bruno, arrivent à Marseille. Parmi les proches qui attendent, il y a les parents de Mylène et Michael. Selon les autorités, leurs enfants sont vivants. Un premier bus arrive, aucune trace d'eux, pas plus dans le second bus. Au troisième, rien. Les autorités se sont trompées, Mylène et Michael ont disparu. Avec d'autres parents, ils vont alors à Giglio assister aux opérations de sauvetage. Certes, au lendemain du drame, certains passagers sont retrouvés vivants à bord du bateau, mais plus les jours passent et plus ce sont des corps sans vie que la mer rejette. Le 22 février, on en retrouve 8. Parmi eux, ceux de Mylène et Michael. Ils sont restés ensemble jusqu'au bout, noyés dans une cage d'ascenseur au 4e pont. 2 ans plus tard, en novembre 2014, alors que le Concordia quitte l'île de Giglio pour rejoindre Gênes, où l'épave doit être démantelée, on retrouve le corps du dernier disparu, Russell Rebello. Il avait 33 ans, il était né à Bombay, il était le père d'un jeune enfant. Au final, le bilan du naufrage s'élève à 32 morts, dont 6 Français. Dès le lendemain du drame, le commandant du paquebot, Francesco Schettino, est arrêté et assigné à résidence pour homicide multiple, naufrage et abandon de navire. Très vite, les communications avec les secours et les différents témoignages remettent en cause ses premières déclarations. Dans la presse britannique, on le couronne du titre de capitaine Coire. En 2014, son procès s'ouvre. Il durera 18 mois pendant lesquels les victimes et les proches des disparus viendront témoigner. Lors d'une audience, en décembre, une vidéo prouve que le commandant n'est pas tombé du paquebot. Non, il est bien monté à bord d'une chaloupe et volontairement. Mais est-il le seul coupable, le seul responsable de cette tragédie ? La compagnie a-t-elle respecté toutes les mesures de sécurité ? Le 11 février 2015, le jugement tombe. Je déclare Schettino Francesco coupable et je le condamne à la peine compressible de 16 ans de réclusion. Francesco Schettino est reconnu coupable d'homicide et du naufrage du paquebot. Il est condamné à 16 ans de prison. Un an plus tard, le 31 mai 2016, la peine est confirmée. Le commandant saisit alors la cour de cassation et il attend désormais chez lui le verdict qui doit tomber avant cet été. À la fin de l'année 2016, le navire était totalement démantelé. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Il s'appelait Concordia. Il était le fleuron de la marine de plaisance italienne. Il est aujourd'hui le nom d'un naufrage, 100 ans après celui du Titanic, dramatique comme lui, mais absurde vu la proximité de la côte, absurde et révoltant. « Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo. E non dire no, che son tre vite che non riposo. Ma piove laggiù, sopra i campi, sopra il mare blu. Il vento è poesia, la notte madida di nostalgia. Ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato. Non mi illuderò di avere indietro quel mio passato. Ma vorrei laggiù, su quei campi, su quel mare blu, un po' di poesia. La notte magica e sei tutta mia. Splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà. Sembrerà un inganno, con l'anima vedrai un mare in luce e ti accorgerai che quel mare in luce non finisce mai. Se saprai ridere del tempo in questa vita, se vorrai, quando c'è buon vento potrai incontrarmi là nel mare in luce. Racconterai che quel mare in luce non finisce mai. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le naufrage du Costa Concordia avec notre invité en direct des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, Madame Anne de Cray, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie parce que j'imagine que le récit de ce drame qui vous a touché directement, personnellement, n'est pas forcément facile à entendre. Donc, merci d'avoir le courage d'être là. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes la présidente du collectif des naufragés français du Concordia. Et bien sûr, on parlera de ce travail du collectif. Même si nous l'avons déjà évoqué dans le récit, est-ce que vous pouvez nous confier tout de même vos souvenirs précis de la façon dont vous avez vécu ce drame dans la nuit du 13 janvier 2012? Je voulais d'abord vous remercier effectivement à mon tour parce que vous et votre équipe avez réussi en moins de 30 minutes à retranscrire les heures d'angoisse et d'horreur que nous avons vécues et de façon très fidèle. Donc rien que pour ça, je voulais déjà vous remercier qui effectivement m'émeut énormément d'avoir écouté tout cela. Mais voilà, je voulais vous remercier parce que c'est... Mais on imagine, vous savez, on imagine bien ce que vous avez vécu en même temps. Voilà, mais c'était très clair et très concis. Écoutez-moi, ce soir-là, pour résumer en une phrase, parce que c'est pas forcément le plus intéressant, j'ai perdu, je pense, le peu de d'insouciance qui me restait, voilà, à 41 ans, le peu qui me restait est parti, et on me l'a volé cette nuit-là, quoi, voilà. Je peux vous demander quand même comment vous en êtes sorti? Alors, nous étions à Tribord, donc la partie qui plongeait dans l'eau, et nous avons réussi à monter dans la dernière chaloupe, tout au bout, à l'arrière du bateau. Parce que j'étais accompagnée de mes parents et de ma petite sœur, et que mes parents avaient un certain âge, et qu'effectivement, la personne qui avait le droit de vie ou de mort sur vous, c'est-à-dire en vous autorisant à monter ou pas sur la chaloupe, en voyant mes parents avec leurs cheveux gris, a quand même eu, je pense... Oui. Ah, je ne vous entends plus. Est-ce que nous avons perdu la communication? Je vais me renseigner auprès de la régie qui va me répondre d'un signe de tête. Alors, écoutez, on va passer un disque, un CD, et puis on va retrouver bien sûr Madame Decret après résolution de ce petit problème technique. I wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy from dreams with you. You found a way back in. Once again, my long-lost friend. Funny to see that after all these years, I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. It takes a glass or two for it to settle down, your shadow to stop following me around. I find myself walking back to all the places we knew, dreaming and wishing to somehow run into you. And of course I wonder, does it happen to you? Does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. Et nous retrouvons Madame Decret. Désolée pour cette interruption de ligne. Vous m'entendez bien là? Oui, oui, je vous entends. Bien. Je sais absolument pas quand est-ce qu'on a été coupé, donc. Quand vous disiez, ce drame m'a enlevé ma dernière part d'insouciance, ce qu'on veut bien comprendre, effectivement. Dernière question factuelle. Après, on passera à autre chose. Quand vous arrivez sur l'île de Giglio, que se passe-t-il? Vous savez, très rapidement, on voit un premier corps, donc très rapidement, on comprend que tout le monde ne va pas s'en sortir vivant. Donc vous gérez les urgences, et puis ensuite j'ai effectivement rapidement essayé de rassembler les Français, de prendre les coordonnées mail des uns et des autres, parce que je savais que on allait avoir affaire à un colosse qui s'appelait Costa et que seul on n'y arriverait pas. Alors, comment s'est déroulé le suivi de ce drame par les autorités italiennes et françaises au début? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur l'île, vous repartez en France et alors, il se passe quoi? On est sur l'île, on ne sait pas où on est, et nous sommes donc perdus, traumatisés, et on nous invite à reprendre un bateau pour quitter, donc on découvre que c'est une île, et on nous invite à reprendre un ferry pour quitter l'île et arriver sur le continent. Sur le continent, il y a la Croix-Rouge, etc., qui sont là, et puis après on vous met dans des bus, et puis vous savez pas combien de temps, où est-ce que vous allez, on vous remonte jusqu'à Nice et Marseille pour d'autres. Vous nous voyez des Français, enfin le SAMU français, vous ne le rencontrez, les pompiers, qu'une fois que vous avez franchi la frontière italienne, parce qu'on a beau être en Europe, la France a été interdite de venir sur le territoire italien nous porter secours. Donc ça donne l'idée du concept Europe. Donc on a été extrêmement déçus de ne pas avoir effectivement d'aide française en arrivant sur le continent au moins. Et c'est là que vous décidez de vous organiser, vous créez ce collectif des naufragés français du Concordia immédiatement ou il y a un temps Oui, dès le dimanche, il y a un premier mail qui est parti à l'ensemble des mails que j'avais pu récupérer sur l'île. Alors, dans les cars, etc. Donc j'ai pu faire ça tout de suite. Mais heureusement d'ailleurs, c'est tout l'intérêt quand il arrive une catastrophe comme ça, un accident collectif. C'est la seule force pour les victimes, c'est de créer des associations. On l'a encore vu sur l'accident de Puisseguin en octobre 2015. Et si vous ne créez pas une association, un collectif des victimes, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et si vous ne prenez pas les bons avocats, vous ne pouvez pas vous en sortir non plus. Bien sûr. Vous avez des machines de guerre en face de vous qui s'appellent les assurances et qui sont intraitables. Donc, il faut des avocats spécialistes en dommages corporels et voilà. Et pour pas hésiter, il faut se rassembler, se réunir et l'union fait la force là, en l'occurrence. Et vous en aviez conscience dès le début. Vous l'avez dit. On savait qu'on allait s'attaquer, en tout cas essayer de se défendre face à une puissance, d'une entreprise, d'une grande entreprise. Et d'ailleurs, quand il arrive quelque chose comme ça, vous savez que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il nous avait proposé 11 000 euros pour l'ensemble des passagers, pour solde de tout compte, préjudice, dommages corporels, perte matérielle, 11 000 euros, où on avait 15 jours pour accepter, 15 jours après le naufrage. C'est le 30 janvier 2012, je crois, que vous recevez une lettre de la compagnie. Exactement, on reçoit cette lettre en nous disant qu'on a jusqu'au 13 février pour accepter, sinon, trois petits points, c'est pas très bien. Alors, il faut vous dire que c'est pas, parce qu'on a souvent entendu ça dans les médias, à droite, à gauche, et les amis, etc., que c'était, on faisait une histoire d'argent et que déjà notre croisière avait été remboursée. Il faut juste que vous entendiez que si nous avions laissé faire ça et que nous avions accepté les 11 000 euros, vous n'êtes pas à l'abri demain qu'un accident de la SNCF ou dans le métro ou dans le supermarché où vous êtes, que les assurances se disent et que ça fasse jurisprudence en se disant que les 11 000 euros pour tout le monde, c'est très bien. Et que ça a très bien marché sur le Concordia et que toutes les personnes se trouvant sur un même accident collectif peuvent avoir la même indemnisation. Ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire que vous faites une abstraction totale de l'individu et de la façon dont chacun vit les choses. Et je vais quand même vous dire qu'il y a eu 32 victimes cette nuit-là, mais qu'il y en a une 33e qui s'est suicidée le 5 janvier, qui avait déjà perdu son mari le soir du naufrage, et qui n'a pas réussi à s'en remettre 5 ans après. Alors, si nous laissons faire des indemnisations comme ça, globales, sans prendre en compte la durée du traumatisme, le temps que ça peut se mettre, où les choses peuvent se réparer, etc., vous faites un déni de la personne. Donc, c'est pour vous dire que cette démarche auprès des assurances a été importante, et est importante pour chacun d'entre nous, en tous les cas en France, parce que ça a été fait nulle part pour les 61 autres nationalités qui étaient présentes sur le Concordia. Madame Decret, on va écouter une archive ensemble. Évidemment, derrière ce drame et au cœur de ce drame, il y a le nom du commandant Francesco Schettino, qui en juillet 2012 intervient pour la seconde fois à la télé. La première, c'était la nuit du drame. Il avait indiqué avoir été le dernier à être parti du bateau. On sait ce qu'il en advient. Et 6 mois plus tard, écoutez, il s'excuse. Je ne peux pas être heureux de ce qui s'est passé. Oui, je l'ai dit, mes excuses et mon affection la plus sincère vont vers ceux qui ne sont plus là. Il y a 32 victimes. C'est normal que je les ai sur la conscience. 32 victimes et 4000 naufragés lorsque le 13 janvier, le Costa Concordia heurte un rocher. Mais le commandant, dessins à l'appui, se dédouane et contre toute attente, se pose même en victime. C'est bien moins que la douleur d'une mère qui a perdu son enfant, bien sûr, qui est incommensurable. Mais la perte d'un navire, pour un commandant, c'est quelque chose de... Il n'existe pas d'échelle dans la douleur. Un incident de la mer, pas un crime, martèlera même le capitaine. Francesco Schettino, l'homme le plus détesté d'Italie, la honte du pays. Et quelle est votre réaction quand vous l'entendez là ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ouais. C'est vraiment un pauvre type. Comparer la perte d'un enfant avec celle d'un bateau, mais voilà, c'est les familles des victimes ont pris perpète, et les autres vivent avec ce qu'elles ont vécu. Donc mais vous savez, il y a que nous on l'appelle Crétino, hein, on a du mal avec son nom. Donc Crétino, il est seul sur le banc des accusés. Faut que vous sachiez quand même que Costa a acheté son procès pour 1 million d'euros, et qu'il faut pas oublier que si jamais Costa a autorisé cette l'inquino dont vous parliez dans le sujet, c'est dans les eaux italiennes, c'est l'État italien qui autorise ça et qui va à l'encontre de la réglementation maritime, qui est donc ce sont des lois qui sont c'est une bible sécurité maritime qui s'appelle le SOLAS. Tout ça se dirige à l'OMI, à l'Organisation Maritime Internationale à Londres. Et l'État italien laisse faire ça. C'est-à-dire ça continue, la révérence? Oui, alors maintenant, ils font peut-être un peu plus attention. Ils n'arrivent pas à 16 nœuds, quoi. Mais ça, c'est l'État italien. Et l'État italien n'est pas non plus sur le banc des accusés. Donc, si vous voulez, il n'y a que le Crétino. Costa, bon, 1 million d'euros, ils ont été condamnés pour des faits minables, genre problèmes administratifs, des faux, des documents qui étaient faux, genre un contrôle technique qui a été fait le 16 janvier 2012. Je vous rappelle qu'on a coulé le 13 janvier. Donc voilà, ils ont été condamnés pour des choses complètement minimes. Mais l'État italien non plus, ils sont... Voilà. Et quand il vous arrive quelque chose en Europe, des lois qui sont votées de façon internationale, il n'y a pas de tribunaux internationaux, au moins un tribunal international, pour condamner ces armateurs, pour condamner ces pays qui n'appliquent pas la législation et la réglementation maritime mettant en danger 4500 personnes. Je vous dis, ça c'est rien, parce que les prochains bateaux, Harmonia aussi qui est sorti, vous pouvez avoir passagers et membres d'équipage compris, 8000 personnes. Est-ce que vous imaginez une avarie, une attaque terroriste, un feu, un incendie, une voie d'eau, n'importe quoi avec 8000 personnes? Il faut que les gens réalisent que vous ne pourrez pas tous être évacués. Nous, ce qui nous a sauvés, c'est que le bateau, béni, je ne sais pas par qui, mais est venu s'échouer sur cette île. Mais sinon, on était, les gens oublient, ils pensent qu'on a tapé sur le rocher et qu'on s'est échoué genre 3 minutes après. Bien sûr, on est parti très très très loin. J'allais vous le dire d'ailleurs, quand on a vu les images, nous, de loin, de ce bateau échoué si près des côtes, ça a créé un réflexe qui était loin de la vérité. En plus, on s'est dit bon, d'accord, très loin, hein, très mais loin. À côté des côtes. Mais quand on fait le récit, quand on fait le récit de ça, on s'aperçoit que c'est aussi horrible, quoi. Ben, on est parti à des milles, on est arrivé tellement vite sur le rocher que, lancé sur son air, on est parti très loin et ce n'est que le vent, il n'y a plus de moteur. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus de moteur au bout de 3 minutes. Donc quand j'entends Crétino qui dit qu'il a fait une manœuvre superbe, etc. Non, c'est de la foutaise une fois de plus, c'est un menteur, il n'y avait plus de moteur, plus de contrôle, plus rien. Et on était parti à je ne sais pas combien de milles de la côte et ce n'est que le vent et le courant qui nous a ramené là où nous avons échoué, ce qui nous a sauvé la vie. Et c'est la seule zone d'ailleurs de toute l'île où il y a des bas-fonds, enfin des hauts-fonds, qui nous ont permis de nous échouer. Sinon, le bateau aurait pu continuer à couler. Vous avez entendu Marie-Claude dans le reportage, pour elle, c'était fini. Le bateau coulait et elle ne savait pas que ça allait s'arrêter à un moment, ce qui lui a sauvé la vie. Mais c'est un véritable miracle. On aurait dû être des centaines, voire des milliers à mourir. Schettino a été condamné à 16 ans de prison en juin 2016. Ouais, peine confirmée, mais toujours libre. Qu'est-ce que là, toujours vous, libre. Vous attendez, évidemment. Ce type, il a abandonné le navire. Rien que pour ça, il devrait être en tôle. Et ben, il a utilisé, comme en France, hein, c'est pareil en France, il a utilisé les trois recours, donc le dernier et le pourvoi en cassation. J'espère qu'on aura la décision, c'est, je crois, pour le 26 avril. Mais en attendant, ce type est libre depuis 5 ans et demi. Comme on sait que de toute façon, il va au moins faire, j'espère, au moins une dizaine d'années, il aurait pu commencer à être déjà à l'ombre pour réfléchir à tout ça, quoi. Alors, il y a les procédures judiciaires, bien sûr, et puis il y a les blessures intimes, les traumatismes dans les têtes, dans les esprits. On va écouter la voix de deux victimes, deux femmes que vous connaissez, hein, Karine et Maria. Il s'agit d'un extrait de l'émission reportage de TF1, document produit par Shine France. C'était en 2013, un an après le drame. Dernièrement, c'est en venant de La Réunion à Paris. On a pris le train. Et en revenant, j'ai dit, je vais me rafraîchir un peu. Donc je vais aller au niveau des toilettes. Et le train a pris une courbe. Donc le wagon s'est un petit peu penché. Et là, je me suis mis à paniquer. Je me suis revue dans le bateau qui penchait. Et je suis ressortie, mais... avec le palpitant, David, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, c'est bon, il n'y a rien. Mais bon, voilà, il y a des petites choses comme ça qui refont surface. Et on pense être guéri. C'est pour ça que je dis, on pense être guéri et on ne l'est pas. Il y a pas mal de choses, en fait. Hein. Il y a la peur de certains bruits. Un tractopelle, par exemple. Ça fait quelque chose que je ne peux plus entendre. Ce bruit de métal qui racle la roche, ça me rappelle la déchirure du bateau. Et ça, c'est devenu insupportable. Pour moi, c'est gravé dans ma chair et dans ma tête. Personne ne pourra effacer tout cela. Moi, j'estime qu'on m'a volé quelque chose. Voilà, après, il faut continuer à vivre. Ça paraît facile à dire, hein, comme ça. Le processus de reconstruction, il est collectif, là, au sein de votre association. C'est du soutien humain. C'est une class action, quelque part. Mais c'est aussi du soutien exactement. Humain. Exactement. Mmh. Ouais. C'est un soutien humain. On est tous ravis de se retrouver au moins une fois par an. On sait de quoi on parle. On sait ce qu'on a vécu. Effectivement, c'est important. C'est vraiment important. Alors, c'est vrai que dans l'idéal, le collectif doit s'arrêter normalement en janvier 2018 pour permettre à tout le monde d'avancer sans qu'il y ait un collectif qui leur tienne la main. Et c'est, voilà, je pense que c'est important. Et puis pour moi aussi, parce que sinon, moi, ça fait 6 ans que je suis là-dedans en non-stop. Et il y a des choses sur lesquelles je voudrais avancer. Et même si je n'oublierai pas, je Sur quoi vous voulez avancer? Ah, je vais avancer ne plus avoir à ouvrir ma boîte mail du collectif et être angoissée. Qu'est-ce que Costa a encore fait à telle ou telle victime? Qu'est-ce que l'avocat de Costa, Patrick Simon en France, a pu répondre comme débilité à quelqu'un à qui on a pas rendu le coffre ou dont le coffre a été pillé ou les affaires des victimes décédées. On n'a toujours pas rendu les affaires des victimes décédées. Les gens ne savent pas. Hein. Ils pensent que tout a été bien rangé, que tout était dans les cabines et bien ordonné. Non, non. Il y a eu beaucoup moins d'efforts de fait que pour un crash aérien où tout est restitué dans la mesure du possible. Ouais. Nous, nada. Ils n'en ont rien à faire. Il faut justifier de tout. Et c'est nous les malhonnêtes et c'est nous les voleurs. Voilà. J'entends bien, Madame Decret. L'émission se termine, hein. C'est l'heure. Rappelez-moi la date du procès. Pour le verdict. Cassation, pardon. Avril, 26 avril, normalement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Madame Decret. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Costa Concordia, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.